Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 17 octobre et nous souhaitons une bonne fête au Baudouin. Ça vient du germanique signifiant audacieux, amical. Baudouin respire le calme, la tranquillité, l'harmonie et inspire la sympathie. Ses qualités de sérieux, de conscience de ses devoirs le rendent sécurisant pour son entourage. Il est aussi animé par un souci de plaire et de faire plaisir et se sent facilement responsable des autres, notamment sur un plan familial où obligations et contraintes se font parfois sentir. La plupart du temps, il a une nature scrupuleuse, se montre homme de principe, souvent maniaque et pointilleux. Cela peut se traduire par un goût sûr ou un certain raffinement, mais aussi par certains rites ou habitudes excessives, comme le souci exacerbé de l'ordre ou de l'hygiène, ou encore une méticulosité extrême. Le sentiment tient également une place importante dans son existence. Baudouin est un être sensible, tendre, et il a un sens aigu de l'amitié. Secourable, serviable, il s'est merveilleusement bien conseillé et consolé. Néanmoins, il est sélectif quant à ses relations et ne donne pas son amitié à tout le monde. S'il sait être présent lorsqu'on a besoin de lui, il demande la contrepartie. Baudouin oublie difficilement les affronts ou les trahisons et en garde longtemps la trace. Sa rancune est tenace. Dicton du jour, quand Baudouin coupe le raisin, c'est mauvais pour le vin, mais bon pour le chou. Tout l'hiver, tu en auras goût. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Et c'est également la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et ça s'est passé un 17 octobre. En 1810 avait lieu la première fête de la bière, à consommer bien évidemment avec modération. Et en 1979, Mère Teresa recevait le prix Nobel de la paix. Allez, on va tout de suite faire une petite pause avec le chanteur Alan Jackson de Music Country. Et on va écouter le titre Chattahoochee. Wasn't ready. Friday, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much a muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. A lot about living and a little about love. Jackson sur RGM, presque 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 17 octobre 1958, naissance d'Alan Jackson, chanteur, auteur américain. 1960, naissance de Rob Marshall, réalisateur américain à qui l'on doit Chicago, Mémoire d'une geisha, Nine, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, et bientôt le film Le Retour de Mary Poppins. 1966, naissance de Mark Gatiss, acteur anglais vu dans la série Doctor Who, Sherlock, dans le rôle de Mycroft Holmes, ou encore Game of Thrones dans le rôle de Tycho Nestoris. 1967, naissance de Nathalie Teuzier, ancienne joueuse de tennis française ayant fait carrière de 1983 à 2003 en simple. Elle a été numéro 3 mondiale en 2000. Elle a été une fois finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open et huitième de finaliste à l'Open d'Australie. En double, elle a également été numéro 3 mondiale, c'était en 2001. Une fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon et huitième de finaliste à l'Open d'Australie. Et avec l'équipe de France, elle a remporté la Fed Cup une fois. C'était en 1997. 1969, naissance de Wyclef Jean, chanteur haïtien. 1972, naissance d'Eminem, chanteur-acteur américain, vu dans le film 8 Mile, dans le rôle de Jimmy Smith Jr., dans la série Entourage. Et il a remporté une fois l'Oscar. C'était l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Lose Yourself dans le film 8 Mile, qu'on écoutera tout à l'heure. C'est également l'année de naissance de Tarkan, chanteur turc connu pour son titre Simarik, dont on écoute tout de suite un extrait. Mouah. Beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, yakalarsan. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela. Voilà pour l'extrait donc de Tarkan. On continue les anniversaires. 1973, naissance de Bruce Toussaint, journaliste français. 1979, naissance de Kimi Räikkönen, pilote de Formule 1 finlandais, champion du monde en 2007. Il a participé à 288 courses, 18 pole positions, 100 podiums, 20 victoires. 1983, naissance de Felicity Jones, actrice britannique vue dans The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, dans le rôle de Felicia Hardy. Inferno, dans le rôle du docteur Sienna Brooks, ou encore Rogue One, A Star Wars Story, dans le rôle de Jyn Erso. 1991, naissance d'Agathe Prou, journaliste et chroniqueuse télé française. En 1849, décédé Frédéric Chopin, célèbre compositeur polonais. On écoute d'ailleurs tout de suite un extrait de l'une de ses compositions. Thank you. Voilà pour Chopin en 1991, décédé Tennessee Ernie Ford, chanteur américain connu pour le titre 16 Tones, dont on écoute tout de suite eh bien, un extrait. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Voilà pour Tennessee Ford. On continue en 1998, décédée Joan Nixon, actrice anglaise connue pour le rôle de Miss Marple de 1984 à 1992 dans la première série télé Miss Marple. En 2012, décédée Émile Allais, skieur français qui fut médaillé de bronze olympique et d'ailleurs le premier médaillé français en ski alpin. Il avait d'ailleurs réalisé un triplé au championnat du monde 1937 à Chamonix et au championnat du monde, il compte 4 médailles d'or et 4 d'argent. En la même année, décédée également Sylvia Christel, actrice néerlandaise connue pour avoir tenu le rôle principal dans 5 des 7 films au cinéma de la série Emmanuel dans les années 70 et 80. Et en 2015, décédée Danielle Delorme, actrice française vue dans les années 50 dans Les Misérables dans le rôle de Fantine, dans Cléo de 5 à 7, Un éléphant ça trompe énormément dans le rôle de Marthe d'Orsay ou encore à la télé dans Madame le Proviseur où elle avait incarné le rôle de Valentine Rougon. Allez, on va faire un point sur les sorties cinéma avant de faire une petite pause musicale. On commence avec First Man, le premier homme sur la lune, un drame biopic de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy ou encore Jason Clarke. Autre film, The Predator, un film d'action science-fiction de Shane Blake avec Boyd Holbrook, Trevor Rose ou encore Olivia Munn. Autre film, Le jeu, comédie dramatique de Fred Cavaillé. Je l'ai vu en avant-première, n'hésitez pas à aller le voir, vous allez bien rigoler. On peut retrouver dans ce film, entre autres, Bérénice Bejo, Suzanne Clément ou encore Stéphane De Groot. Autre film, cette fois c'est pour les enfants, c'est un film d'animation intitulé Yeti et compagnie. Autre film, c'est le retour d'Omar Sy au cinéma dans Le flic de Belleville, une comédie de Rachid Bouchareb, donc avec Omar Sy et Louis Guzman ou encore Biyuna. Autre film, encore pour les enfants, celui-ci, c'est La grande aventure de Nonon. C'est un film d'animation, alors je connaissais Oui Oui, mais voilà, là aujourd'hui c'est Les grandes aventures de Nonon. Et enfin, dernier film, The House That Jack Built, un drame thriller de Lars von Trier avec Matt Dillon, Bruno Gantz et Uma Thurman. Allez, petite pause avec donc Wyclef Jean qui a fait partie du groupe The Fugees et qui ont interprété le titre Killing Me Softly qu'on écoute tout de suite. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, this is Wyclef, refugee camp, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Fingers. One time. fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers. Avec le titre Killing Me Softly sur le 107FM. Il est presque 8h49 et il est temps pour nous de faire un point météo. La météo. Alors, vous en avez pris l'habitude, encore aujourd'hui, je vais vous annoncer une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 21 et 22 degrés cet après-midi. Jeudi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés pour demain après-midi. Vendredi, belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 19 et 20 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, on file maintenant vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le football et la Ligue des Nations et l'équipe de France qui a encore souffert hier. C'était face à l'Allemagne, l'équipe de France qui a donc beaucoup souffert, surtout en première période. Elle était d'ailleurs menée 1-0 par l'Allemagne avant que Griezmann ne vienne égaliser d'une tête sur une passe de Lucas Hernandez. Et Griezmann a transformé un pénalty, ce qui nous fait 2-1 pour l'équipe de France. Au final, Griezmann avec ses deux buts est devenu hier soir le 10e meilleur buteur de l'équipe de France, à égalité avec Wiltord. La France est à un point de la qualification pour les phases finales de la Ligue des Nations, et à noter que l'Allemagne est éliminée de cette compétition. Un mot de hockey sur glace avec la CHL, et hier soir Rouen s'est imposé 5-2 à Nuremberg. Les Dragons de Rouen sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est historique, c'est la première fois qu'un club français réalise cette performance. Il y a eu beaucoup de messages d'ailleurs pour féliciter le club rouennais sur les réseaux sociaux. En tennis à Moscou, Benoît Paire s'est qualifié en 3-7 face à Misha Zverev, 7-6, 2-6, 6-1. Aujourd'hui, il affrontera Gerasimov. Manarino lui se repose à Cecchinato et Herbert à Bublik. Côté féminin, Mladenovic s'est qualifié en 2-7, 6-1, 6-3 face à Galinskaya. Et Alizé Cornet s'est qualifié en 3-7, 5-7, 6-2, 7-5 face à Viklianseva. Vous souhaitez, c'est pas facile à dire. Alizé Cornet affrontera aujourd'hui Gazatkina et Mladenovic sera opposé à Kontaveit. À Anvers, Gilles Simon s'est qualifié en 2-7, 6-0, 6-4 face à Stavkovski. Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié en 3-7 face à Peya, 7-5, 5-7, 7-6. Mon fils s'est qualifié en 2-7, 6-0, 6-3 face à Bemelmans. L'Estienne, qui était repêchée en Lucky Loser, s'est inclinée en 2-7 face à Struff, 6-2, 6-3. Robert, lui aussi repêché en Lucky Loser, s'est incliné en 2-7 face à Ramos Vinolas, 6-4, 6-4. Aujourd'hui, Gilles Simon affrontera McDonald et Richard Gasquet se reposer à Vézili. À Stockholm, élimination de Lucas Pouille en 2-7 face à Sandgren, lui qui faisait son retour à la compétition. Il s'incline à 6-4, 6-4. Il n'y a donc plus de Français en compétition dans le tournoi puisque c'était le seul. Et au Luxembourg, hier, Ferro s'est qualifié en 3-7 face à Nicolescu, 4-6, 7-6, 6-0. Elle affrontera aujourd'hui Vekic et il y aura également Parmentier face à Lapko. Et on termine cette actualité avec du basket. Tout d'abord, la NBA. C'était la reprise cette nuit, notamment pour l'équipe de Boston de Yabusele. Aucun point inscrit pour le français, mais son équipe s'est imposée 105-87 face à Philadelphie. Et l'équipe d'Oklahoma de Luau Cabarro, qui n'a pas joué, s'est inclinée face aux Golden State Warriors, 108-100, pardon, avec un Stephen Curry très en forme pour la reprise. Il inscrit pas moins de 32 points. Et on va parler de Boris Diaw, qui a annoncé sa retraite. Eh bien, on a appris hier qu'il intégrera le staff de l'équipe de France à partir du mois de janvier prochain. Il sera le manager général adjoint de cette équipe de France. Voilà pour l'actualité sportive. On va donc marquer notre dernière pause musicale avec Eminem et le titre « Lose Yourself ». Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth.